the fucking limb I was before. It won't be pretty when I finally set the score. Tell them fuckers we are far beyond the edge of war. As I was told I should be signing therapy. I forgave to the one I'm making my money. You can tell anyone if they should look for me. I would be a loved dog watching the body. As I was told I should be signing therapy. I forgave to the one who making my money. If you tell anyone if they should look for me. I would be a loved dog watching the body. Thank you. se retrouve à nouveau pour une nouvelle année. Donc, bonne année à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. Voilà, on a déjà commencé avec de la bonne musique. Aujourd'hui, on a quelques invités, mais sans avoir fait vraiment une émission spéciale. Donc, ce soir, il y a notre ami Didier qui est là. Ça va, Didier? Eh bien, tous mes voeux, Albino. Tous mes voeux, les auditrices et les auditeurs de Mavrika et de la radio en général, voire de la France, de l'étranger, et au-dessus de l'univers. De l'univers, voilà. Happy New Year. Alors, on va rappeler quand même qu'on fait cette émission déjà depuis presque 16 ans. Donc, si on regarde bien la vitesse de la lumière, on est à combien de kilomètres déjà? Il y a certaines étoiles qui vont commencer bientôt à recevoir nos programmes. On est des programmes de 2010. On est déjà des étoiles, nous. On est déjà des étoiles. Comment briller. Très bien, donc ce soir on va prendre le contrôle du cerveau des cerveaux des auditeurs, c'est ça, hein? Ouais, bien sûr. Puis là j'ai un petit message, disons, sur les téléscripteurs, hein. Et petit message de Claire Basse qui nous envoie la recto verso, et ils nous écoutent, mais ils sont en répète. Ouais, t'as vu le message? Ouais, j'ai eu aussi le message, et en plus comme ils sont en répète, on leur fait un petit coucou. Ouais, bonne année les filles. Et on leur souhaite une bonne année, et puis surtout on espère les voir très très bientôt, parce que on a déjà des vues peut-être pour les employés dans certaines choses, hein. Ouais, elles sont peut-être au courant. Donc voilà, on a discuté déjà avec l'association par rapport à l'association Mavrika. Il va y avoir des événements qui vont se faire, et on a pensé à elles. Donc maintenant, voilà, on va essayer de se recontacter très rapidement pour voir les disponibilités. Allez, mais en attendant, on est content de connaître un duo comme ça, et il est très demandé. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent tiens, Georgie, c'est toujours demandé, hein. Voilà, ah bah c'est toujours évident. Sage, hein. On va rester sage. En attendant, on a écouté déjà plusieurs morceaux depuis le début de l'émission. On a écouté le groupe 45 Tours, un groupe que je connais depuis pas mal de temps, et que j'ai eu l'occasion de voir il n'y a pas très longtemps au Dropkick. Le groupe 45 Tours, un groupe qui était avec des membres de la région orléanaise, mais qui sont plutôt aujourd'hui sur Paris. Hein, ouais, ils ont un super guitariste que je connais un petit peu, avec qui j'ai joué, qui s'appelle Baptiste. Baptiste, ouais, que je connais très bien. Ouais. C'est un sacré phénomène. C'est dommage qu'il ait plus vraiment le temps de jouer, parce que sur la scène, c'est un très bon jeune, mais c'est vrai que j'ai apprécié, parce que moi je connais son papa depuis très très longtemps. Ça fait ça se compte pas en années, ça se compte en dizaines d'années. D'accord. Et ça te rajeunit pas. Et donc c'est vrai que moi je me l'avais présenté, oui, il joue bien et tout ça, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le voir. Ou si, j'avais vu déjà ici. Ils étaient venus. Ils sont venus dans l'émission Mavrika il y a 9 ans, je crois. Et depuis, j'avais pas de nouvelles. Et là, j'ai eu l'occasion d'apprécier que franchement, ils jouent tous bien. Moi, je les ai rencontrés toute la première fois. Je les ai découverts. C'était à la fête de la musique. Ils étaient place de la République. Anciennement, il y avait le bar L'Entrecôte ou quelque chose comme ça. Ils jouaient devant, d'à côté. Et vraiment, je suis resté à les écouter, mais pendant presque tout un set, parce que vraiment, j'étais subjugué par ce talent de jeune. Et surtout lui, Baptiste. Et c'est vrai qu'après, j'ai discuté un petit peu avec eux, on s'est perdu de vue. Et puis je l'ai retrouvé sur les scènes, lors d'une scène ouverte. Et puis j'ai été à une de ses répètes avec un autre groupe. Et on a fait un petit truc ensemble, on s'est retrouvé à la Ionval sur une autre scène ouverte. On s'est vraiment amusé, quoi. C'est super. Ouais. Très bien. Donc on a écouté un de leurs titres. Alors le titre, je sais même pas s'il est complet, parce que ça s'appelle Peu importe ce qu'il dit de moi, je ne suis pas. Point de suspension. Donc c'est le groupe qu'on a écouté. On a écouté juste après le groupe Jache. Est-ce que tu connais le groupe Jache? Non, mais ils sont déjà venus à plusieurs reprises dans l'émission, et ils ont participé à Mavrika Live aussi. Et le morceau, c'est un morceau que je diffuse assez rarement, qui s'appelle Bas en moi. Le groupe Jache, que j'adore, franchement, c'est un groupe à voir sur scène. J'ai vu qu'il y avait des concerts, et puis c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Et puis à la limite, s'ils nous écoutent, s'ils ont envie de passer dans l'émission Mavrika, ils sont toujours les bienvenus, hein. Ils font partie de la famille. Venez, dites pas on vient, on veut venir. Et puis on vient pas parce que Il y a énormément de demandes. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Didier. On a énormément de demandes de groupes qui veulent venir dans l'émission Mavrika. On en a un paquet. On pourrait remplir pratiquement toute l'année d'un coup. Le problème, c'est que nous, on essaie d'avancer au fur et à mesure. Et là, pour le 2 janvier, ça n'intéressait personne. Bon, on comprend aussi. Vous avez du mal à vous remettre du réveillon. Le 1er janvier. Toutes les neurones en place. Ouais, voilà. On s'est dit comme ça. On dit, c'est pas bien grave. Ça sera la première émission de l'année, et on va en profiter pour discuter un peu. Croyez-moi que tout à l'heure, je vais vous le remettre en place, les neurones. Neurone. Ouais, et on va remettre aussi, ça va nous permettre de balancer un petit peu le maximum de musique, des articles qui sont venus dans l'émission. Donc on a déjà écouté 45 Tours, on a écouté Jash, on a écouté Siragis avec Butchering the Bully. Un groupe qu'on a reçu cette année, tu n'étais pas encore là. Il y avait le groupe Skydroll, c'était le dernier groupe qu'on a reçu. J'ai pas pu venir parce que j'étais en répétition. Tu n'étais pas là, tu étais en répétition parce qu'on avait au début, ils n'étaient pas prévus. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait à l'arrache avec Alex. La semaine d'avant parce qu'on a reçu aussi notre ami Alex et justement Alex Le Bail. Alex Le Bail. C'est à l'extérieur aussi. aussi. Et justement Alex Le Bail, elle existe. Et justement, on avait eu Victorien qui nous avait appelé, on lui a dit oh, hey, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine, ça serait pas possible de venir pour la 666e émission. Donc voilà, ça tombait super bien. On est content d'avoir fait cette émission avec le groupe Skydroll, un superbe groupe en tout cas qui envoie. J'ai commencé, ils sont pas que drôles les Sky Skydroll, et j'ai commencé déjà avec une série avec les Siragis, Skydroll, du rock qui envoie. Pourquoi? Pour essayer de vous secouer un petit peu, vous réveiller, parce que on a 3 heures d'émission dans laquelle on va papoter un petit peu. Je vais enlever mon pull, il fait chaud là. et on va aussi écouter de la bonne musique. Déjà pour continuer, j'étais un petit peu en vacances à la fin de l'année et je me suis rendu compte en fait, que c'est pour ça sont que bonnes les huîtres là-bas en Bretagne, hein. Je dirais rien, c'est comme les huîtres, ils peuvent les manger, moi voilà. C'est pas mon truc. Mais bon. T'aimes pas les huîtres? Non, ça me mange les coquilles alors. Voilà, donc après chacun, mais par contre les coquilles Saint-Jacques, oui. J'en ai mangé encore il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, j'ai découvert sur mon téléphone le nouveau clip des Twister Cover qu'on a reçu il y a quelques semaines ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors je vous cache pas que ce groupe-là, je l'adore. Hein, c'est toujours un plaisir de le voir. C'est toujours un plaisir de les voir. Et en plus, ils bossent bien parce qu'ils font du rock comme j'aime. Et comme vous aimez aussi, j'espère, vous, certains auditeurs du moins. La majorité, j'espère. Ils ont sorti un nouveau clip avec sur l'eau. Alors, ils se servent beaucoup de l'intelligence artificielle. Et il y a donc les membres du groupe. Il y a aussi Pierrick qui apparaît, le papa de Yavanna. Hein, on va l'expliquer comme ça. Qui apparaît dans le clip, c'est très bien fait, c'est très drôle, et puis avec de la bonne musique, il y a rien de mieux. Et je vous propose justement d'écouter ce morceau, ça s'appelle Sailing in the Water, naviguer sur l'eau, bon, ce qui me semble un petit peu normal. On peut naviguer aussi dans l'air. Toi, t'es spécialiste. Dans l'émission d'Ilienco, on va passer sur ce concept. On va vous amener en voyage. Et juste après, on va écouter aussi un grand groupe de la région, un de mes préférés aussi. Je vais pas vous le cacher. Il s'agit du groupe Burning Head, je pense que beaucoup de gens adorent ce groupe-là. C'est des gars super bien et en plus ils font du rock and roll, ils sont toujours au top après une carrière déjà bien assez longue, en attendant ils sont toujours bien, et puis le rock and roll doit continuer à vivre et on est content d'avoir ce groupe-là orléanais. Et le morceau que je vous propose d'écouter, ça s'appelle Happy New Fear. Voilà, c'est un petit peu jeu de mots, mais ça tombe bien, justement, aujourd'hui, on est le 2 janvier 2026, et c'est la première émission de cette année, donc on vous souhaite à tous un très bonne année. So long. My baby tell me I won't travel alone. I've been working just like a drone. It's time to have a good time on my own. It's so exciting, I'll rewrite your song. It's alright, it's alright, it's so, so exciting. It is like standing on the water, where everything's so dry, so dry. And where the breeze is strong. The sun is shining and a river flows. The water's running, maybe too low. The sun is shining and a river flows. The trial's quiet, but not for long. A loud sound and a martyr song. We check the paddles, but drift to the north. Nobody's gate on a colored phone. It's so exciting how we write the song. It's alright, it's alright, it's so, so exciting it is now. Sailing on the water, where everything's so quiet, so quiet. And where the breeze is good enough. Sailing on the water, where everything's so bright. And when the sun is high enough. Retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission numéro 668, hein, pour ceux qui ont suivi. On suit donc. Avec tes coups de téléphone. Je suis avec Didier, on a aussi des coups de téléphone. Merci aussi à tous ceux qui interviennent sur le Facebook de l'émission Mavrika. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces, des petits messages comme j'aime ça. J'aime bien faire ta secrétaire. Ouais, parce qu'en même temps, je suis en train de téléphoner, caler les morceaux, les marquer aussi, parce qu'on marque aussi le programme. Hein. Et toi, pendant ce temps-là, tu m'envoies des messages. Et comme j'étais pas attentif à ce moment-là, t'es venu m'ouvrir le truc des messages sur l'ordinateur fixe de mon côté, parce que toi t'es de l'autre côté de la vitre, on va expliquer oui, ça. C'est un petit peu compliqué. Geste, hein. Mais bon, on arrive à se débrouiller et puis on arrive à s'en sortir toujours, même si des fois on dit un bonne année au lieu d'une bonne année. Oui, hein. Oui, bien mais sûr. Bon, c'est pas grave. Donc là, où est-ce que j'en suis? On va quand même présenter les titres qu'on vient d'écouter. Donc on a écouté à l'instant le groupe Sukhoi Fever avec Mother Through the Window. Et juste avant, c'était les Burning Head avec Happy New Fear. Et on avait commencé cette série musicale avec les Twister Cover Selling on the Water. Voilà. Donc une exclusivité. Allez voir le clip vidéo. Vous allez vous poiler, vous fendre la gueule, comme on le dit aussi. Voilà. À la radio, on dirait vous allez vous. Je sais pas parce que ouais, vous allez rire aux éclats. Voilà. Très bien. Voilà. Alors toi, tu as reçu aussi des courriers, donc tu m'as envoyé un petit message. Ouais, j'ai un petit message. Mais est-ce que tu, comment dirais-je, avec la température qu'il fait, est-ce que tu te mettrais à couder au balcon, toi? En ce moment, pas longtemps. Hein. C'est vrai qu'en été, on a la facilité d'aller au balcon et de regarder un peu ce qui se passe. Moi, j'en connais un qui s'y met à couder au balcon. Je crois qu'il s'appelle Chris Milan, que je salue. Chris Milan, qui viendra dans une de tes émissions ou de mon émission. Et je l'ai fait travailler plusieurs fois sur Orléans, sympathique, avec une petite timbre de voix un petit peu à la Johnny Hallyday de temps en temps. C'est sympa. C'est un auteur compositeur interprète et voilà, il m'a envoyé, alors il savait pas trop où l'envoyer, donc il me l'a envoyé, je t'ai envoyé l'image. Il est dans le 18, il est dans 1800, je sais plus quelle ville exactement, mais voilà, je crois qu'en ce moment il a un petit peu froid parce que il est accoudé au balcon et il attend qu'on diffuse sa chanson. Voilà. Ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va redescendre un petit peu alors, hein. Après le rock'n'roll, ça va vraiment redescendre, mais elle est belle cette chanson. Pour moi, c'est un, comment dirais-je, ouais, je l'expliquerai tout à l'heure dans ma chronique. Elle m'a perturbé la tête ce morceau, et je l'ai d'ailleurs joué avec lui. Je l'ai accompagné lors d'une scène ouverte quand j'ai rencontré. On l'a fait, j'ai pris l'harmonica et c'était vraiment un moment très sympa. Au balcon, je regarde passer les oiseaux par milliers autour d'une maison. Voir cette liberté me fait penser parfois qu'on pourrait s'évader comme ils le font déjà. Je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il y a un coin pour se joli endroit quand ils partent si loin, les ailes déployées, c'est pour aller plus loin, pour ne pas s'arrêter, les regarder partir. Face. et voir ce monde de face. Série de musique française, on aime bien la chanson française, hein, et c'est vrai qu'elle est bien représentée dans l'émission Maverica, parce que nous avons quand même beaucoup d'artistes de la région et d'ailleurs qui chantent en français, et quelle belle ouais. langue quand même, et surtout quand elle est bien maniée, comme on a écouté Chris Milan, et on a écouté juste après Tonio, donc Chris Milan avec Accoudé au balcon, donc là maintenant il peut rentrer. Avant que ce soit le balcon du bar, je sais pas. Donc voilà, et après on vient d'écouter aussi Tonio avec Les Nôtres. Alors Tonio qui est venu il y a très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il est venu à deux reprises, et il était là au Maverica Live la dernière fois. Il est venu en tant que spectateur, parce que il y a des artistes qui s'intéressent à la musique, qui s'intéressent aussi à ce que font les autres. Ouais, il s'intéresse au Maverica Live. Ouais, il était venu au Maverica Live. Mais je dis, t'en connais beaucoup des artistes qui s'intéressent au Maverica. Si c'est pour ne pas venir sur les planches. Bon, allez, voilà, ils veulent venir sur les planches. On va mettre le mouchoir là-dessus. Ouais. Donc, on a une petite série musicale, et tu veux peut-être nous parler un petit peu plus de Chris Milan, parce que c'est toi Quoi en dire? Moi, je l'ai rencontré, donc, comme je le disais, en scène ouverte, il y a un an ou deux ans. On a sympathisé, il a bien chauffé la salle, puis voilà, après on est resté un petit peu potes, quoi. Enfin, on se, voilà, tu vois, c'est, c'est une personne qui a pris le téléphone aujourd'hui, qui m'a souhaité les vœux. Ah, bah ouais. Voilà, et ça, donc ça, on lui souhaite aussi toujours, voilà, tout à fait, les meilleurs vœux meilleur pour vœux, la nouvelle année. Hein. Plein de choses, je sais qu'il prépare plein de choses en ce moment, mais voilà, je vais pas en parler parce qu'il souhaite le garder un petit peu pour lui. Je sais qu'il connaît aussi Alex Lebaille, ils ont travaillé un petit peu ensemble. D'accord. Voilà, ils ont peut-être des projets, je sais pas, enfin c'est peut-être dans les cartons. Voilà, c'est deux gars très sympathiques, deux styles carrément différents, mais c'est tous les deux des auteurs, compositeurs, interprètes, tous les deux qui s'accompagnent bien souvent avec une guitare. Qu'en dire de plus, si je sais que c'est une personne qui est souvent avec je vais pas dire un producteur, mais un diffuseur qui s'appelle Gérard Ritt, qui est sur son département aussi, avec qui j'ai des contacts, et on est en train de voir pour cet été co-organiser des concerts entre le 18, le 41 et le 45. On est en train de voir ça, mais voilà, c'est pas facile. Gérard, si tu m'écoutes, je t'envoie le bonjour, sinon je crois que Chris le fera pour moi. Voilà, ce que je peux en dire, ça sera mieux que lui vienne se présenter sur une de tes émissions ou sur une des miennes. Tout à fait, on va caler une date et puis il viendra dans l'émission d'Henri Quint. C'est pas trop l'objet de mon émission dans Didi & Co, mais de temps en temps, oui, recevoir un artiste. Oui. Toi, tu peux recevoir des personnes qui sont là pour parler de leur travail, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient vidéastes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient, voilà, il y a un tas de choses. J'ai une petite liste, mais de temps en temps, un musicien aussi. Sans faire de pub, mais, enfin, quoi que je vais en faire un petit peu, mais demain ou dimanche, sur la page de Didi & Co, il y aura peut-être un petit message qui sera aussi diffusé sur ma page perso à ce sujet-là. Donc, voilà, ça reste dans les trucs, mais en tous les cas, prends pas froid, Chris, rentre à l'intérieur. Sors de ta coude au balcon, ou alors, prends un bon grog. Allez, bise, à bientôt, ciao. Il faut pas qu'il s'enrhume, hein, quand même. Il faut qu'il garde sa belle voix. Ouais. Très bien, donc on a écouté Chris Milan avec Etonio à l'instant. Ouais. Et on va continuer avec un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. D'ailleurs, et ils reviennent quand ils veulent parce que c'est des gens super sympas, super agréables. J'ai malheureusement pas eu la chance de voir souvent en concert. Je les ai vus une fois. Ils sont venus ensuite au Mavrika Live. Et depuis, dans l'émission Mavrika. Et depuis, j'ai plus eu l'occasion de les voir. Si, de temps en temps, je les rencontre au concert. Parce que eux aussi, ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui vont voir aussi les autres artistes. Voilà, il faut venir voir les copains, il faut se soutenir. Même des fois, on n'apprécie pas toujours la musique qu'ils font, mais rien que de les voir, rien que de sentir, ça fait plaisir de voir qu'on est... Des fois, quand c'est bien fait, hein, quel que soit le style, il faut pas être bégueule non plus, comme on dit, mais... Ouais, il faut pas rester sur un seul style, il faut connaître plein de choses différentes, justement. Non, puis il faut savoir découvrir aussi et voir le travail qui est fait. Moi, je découvre beaucoup dans la musique orléanaise, surtout grâce à toi, Albino, je te remercie. Je fais plein de découvertes au niveau des musiciens que nous avons dans notre terroir. On en parlait tout à l'heure aussi. On dit voilà, on était en train de faire un peu l'agenda des prochaines émissions. Donc on dit voilà, le programme il sera à peu près comme ça. Et il y a des artistes, tiens, on va en recevoir qui viennent de Lille. Hein, donc il y en a qui viennent des fois de très loin parce que souvent c'est d'Orléans. On dit voilà les artistes locaux. Mais dans toutes les régions de France, il y a des artistes locaux. Il n'y a pas que sur le Loiret ou la région centre, il y a des artistes locaux. Et on a les meilleurs, mais bon. Ça, il fallait pas le dire. Ils vont le croire. Après. Je plaisante. Ils vont le croire. Non, mais après, justement, il y a qui prennent un petit peu le melon. Ouais, mais après, je te fais voir quelque chose d'ailleurs tout à l'heure. Ça va motiver les gens qui sont justement hors département. Ils sont dit, attends, ils vont dans l'émission Mavrika. Ben, nous aussi, on veut y aller. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus à partir du moment. Faites-la monter, cette émission. Faites-la. Elle vaut le coup. Elle vaut le détour. Venez nous voir. Et en même temps, n'hésitez pas on a lancé un petit truc, mais n'hésitez pas de le faire. Pour nous, c'est très important. C'est très, très, très, très important d'avoir un petit peu les écoutes d'où elles viennent. Là, on a eu un follower du 18.1100. On a 45-140. Mettez simplement votre follow, même si vous restez pas toute l'émission. Follow avec un arrobas devant, peut-être, et follow avec votre code postal. Faites-nous voir d'où vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir à nous, animateurs. C'est pas évident. On peut pas savoir. On est dans une radio, derrière un micro. Donc, n'hésitez pas. Un petit cœur, un petit follow. Ça nous fait plaisir de savoir que des gens nous écoutent. Voilà, en dehors du département on le citera de temps en temps, on va noter, puis les bons élèves, on va en parler tout à l'heure, tu sais qu'on sera dans l'autre pièce là-bas du côté de la maison Glouglou. Peut-être éventuellement qu'on fera gagner quelque chose aux meilleurs follow, ceux qui suivront le plus l'émission. Oui, tout à fait. C'est pas une mauvaise idée. On peut lancer le truc. J'ai encore quelques idées là-dessus. Mais voilà, Soutenez-nous et nous, on vous encouragera à nous soutenir et on n'hésitera pas de vous citer. Nous, on fait que ça. On soutient les artistes de la région. Ouais. Voilà, c'est déjà une superbe chose. Et puis nous, on prend beaucoup de plaisir aussi à. On est en pleine récréation, quoi. Ça fait du bien, on s'évade aussi. Donc, on va revenir aux artistes qu'on va écouter après. Ouais, donc, c'est le groupe Turn Off qui était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, ils font de la musique. Comment on peut dire, c'est en français déjà, donc c'est de la chanson française. C'est rock and roll, ouais, c'est un peu rock and roll. C'est punk, ouais, c'est un petit peu punk. C'est ska, aussi. Ah. Donc il y a des cuivres et tout ça. Et c'est un groupe qui met vraiment qui ont la pêche et qui mettent vraiment l'ambiance lors de leurs concerts. Et le morceau qu'on va présenter maintenant, justement, c'est de circonstance puisque nous sommes le 2 janvier et ça s'appelle À votre santé, le groupe Turn Off dans l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h. Laissez-moi crever sans vous. Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz en FM sur la région orléanaise et sur www.radio-arc-en-ciel.com. Listening to W Mavrika on Radio Arc and Seal. We'll be right back. Les meilleurs artistes viennent dans le studio de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. que de la bonne musique dans l'émission Mavrika ce soir. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, hein. C'est vrai qu'on a passé plein de bons morceaux. Il y en a certains, il y en a tellement de bons que des fois on en oublie certains. Donc, il faut les remettre au goût du jour sans arrêt. Donc là, on a écouté plusieurs artistes. C'était qui les derniers, là? Les derniers, c'est Happy Go Lucky Band. Un groupe qu'on devrait recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, ils sont très chauds pour venir dans les studios. On n'a pas encore trouvé de date. Mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Oui, après, on a eu juste avec Phil Tanguy, qui était venu avec Craig Waters. Ouais, tout à fait. Donc, le batteur des Bell Rays qu'on a écouté tout à l'heure aussi. Donc là, on a écouté, dans l'ordre, on a commencé à écouter les Turn Off avec À Votre Santé, Avoir 20 ans avec Comme une Terre Sec, on a écouté aussi Corrosive System, on était un petit peu dans la série punk avec Corrosive System qui est déjà venu deux fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe qui en voit bien, hein, avec des paroles en français, et les paroles sont très sensées et très bien, moi j'aime bien. Le morceau s'appelle À coup de Watt, À coup de Watt. Tiens, ça sonne bien. À coup de watt, parce qu'il y en a, ils mettent des coups dans la figure, et eux, ils nous envoient des coups de watt. Dans nos oreilles. C'est la watt. C'est la watt que je préfère. En tout cas, voilà, un morceau bien dynamique. Juste après, un groupe qu'on a reçu aussi, ils n'étaient pas au complet dans l'émission Mavrika, mais par contre, ils étaient au complet pour le concert au Dropkick. Le lendemain, c'était le groupe The Wilds. On a reçu Marc Albert. Ils sont deux. C'est un duo. Ouais, c'est un duo. Ouais, mais parce qu'ils ont mis un batteur dans une boîte. Ouais, dans une boîte. Il y en a beaucoup qui font ça de plus en plus. Ils mettent des batteurs dans les boîtes. Et donc, c'était The Wilds avec Don't Go. Voilà, on avait dit qu'ils partent pas. Mais ils sont partis. Voilà, ils reviendront prochainement. En tout cas, on a adoré ce groupe-là. On a écouté aussi The Last Magic Doors. On les a reçus une seule fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était en 2025. Il y a un an déjà. C'est vrai, il y a un an déjà. C'était dans le courant, je ne me souviens plus exactement la date, mais en tout cas, on avait passé un bon moment avec eux et ils nous avaient laissé pas mal de titres. On essaie de les diffuser tous au fur et à mesure. Et c'est un groupe que j'aime bien. Je trouve que c'est bien construit. c'est bien fait et surtout que c'est original. Ouais, ils sont d'Amilly, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, de la région de Pithiviers, non, par là, non. Non, moi je dirais plus de Montargis. Oui, tu as raison, c'est moi maintenant que tu me le dis, oui, ils ont quand même fait un petit peu de route pour venir dans l'émission. Ils sont venus. il y en a qui viennent de loin, de Wild, ils venaient de Paris, de la région parisienne. Ah, tu vas recevoir de Lille aussi. On va recevoir des artistes. Tu t'étoffes là-dessus. Et de Bell Rays. Les États-Unis, Los Angeles. Los Angeles, carrément, la Californie avec le soleil. Il y avait même Bertrand Fro. Bertrand, on a des bons contacts avec lui. C'est d'ailleurs lui aussi qui m'a présenté un peu le groupe Happy Go Lucky Band. Donc, il les suit depuis pas mal de temps. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de groupes dans la région. Dans Happy Go, j'ai retrouvé dans ce titre-là très années 60. Très Beach Boys, peut-être, dans ce morceau-là. C'est ça, je cherchais le côté un petit peu. Je voyais le surf, je voyais exactement. Je voyais le van. Le soleil. C'est vrai que c'est très californien. Et au-dessus des nuages. Hein. Voilà. Donc, ce morceau-là, il s'appelle Head Height. Non, c'est The Last Magic Door. Le morceau qu'on vient d'écouter. Parce que je dis tout dans le désordre. Donc, on va faire dans l'ordre. The Wild avec Don't Go. The Last Magic Doors avec Head Height. Donc, la tête haute. On va dire ça comme ça. The Bell Rides avec Hells on Earth. Donc, l'enfer sur Terre, hein. Malheureusement, il y en a qui le vivent très souvent, toute leur vie, hein, même. Il y a certains endroits de la Terre où il y a toujours la guerre, il y a toujours l'enfer sur Terre. Je fais juste une aparté. J'ai une petite pensée pour nos amis en Suisse, là-haut. Avec ce qui s'est passé, c'est vraiment triste de voir dans ces conditions-là et malheureusement on a beau mettre plein de trucs de sécurité et tout ça, il y a encore des catastrophes comme ça, c'est vraiment terrible, je vais pas faire le procès des patrons, mais bon, il y a des choses qui sont pas claires, qui devraient pas se produire. C'est vraiment dommage dans ces circonstances-là. On a écouté aussi The Uncle Bikers, donc un groupe de la région parisienne qui est déjà venu plusieurs reprises dans les studios. Et d'ailleurs, ils sont chauds pour revenir. Et il y a toujours les membres qui m'envoient un petit coucou pendant l'émission Africa. N'hésitez pas à mettre des petits coucous, ça me fait toujours voilà, plaisir. Voilà, toujours un petit arrobase, follow, et votre département, votre ville, votre pays, n'hésitez pas. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle The Tale of Joey D. Voilà. Et on a écouté Happy Goes Lucky Band avec Cathy's Clown. Voilà, ah, le morceau qu'on vient d'écouter. Ah, le clown de Cathy. J'ai déjà écouté sur pas mal de... Je connais pas, c'est pas ce morceau. Ouais. Parce que je les écoute. Bah, moi, j'ai deux morceaux que m'ont envoyé Phil Twangy. Mais il m'a dit, on en prépare d'autres, il y en aura d'autres. Et puis, à mon avis, quand ils vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ouais, je pense qu'ils vont amener ils des ont instruments. Valise. Ouais, peut-être, je pense. Il ouais. faut dire que leur chanteur, guitariste, Phil aussi. Ouais, qui faisait partie des Bernie Head. Voilà. Ouais, qui est une personne qui connaît bien le son, il me semble. Hein. Oui. Il y a quelques accointances dans le côté technique. Oui, et puis c'est quelqu'un qui a suivi, qui continue à suivre les Bernie Head, etc. Aujourd'hui, il a monté ce projet, là, Happy Go Lucky Band avec. Ouais, t'as du mal, hein. T'as du mal. Ouais, bah, je pense que tout le monde a du mal. Hein. Aussi, il va falloir qu'on trouve un truc pour raccourcir. Ah, mais encore, je m'en sors pas trop mal. Hein. Donc, et franchement, moi, je les ai vus à plusieurs reprises sur scène. Ils assurent comme des malades. Et je trouve que c'est un groupe qui marche super bien en ce moment. Et qui est super bien agréable parce qu'il y a plein de musique qui nous ramène un peu dans les années 60, 70. Ils nous font voyager ouais, un petit son, peu dans ouais, le temps. Fait, ouais. Le son, et puis, c'est très maîtrisé, très, country, très, très bien country, fait. Ouais, il y a la country, il y a un peu de blues, il y a un retour, petit ouais, peu ouais. De musique des années 60, 70, etc. Donc, très agréable à écouter et c'est vraiment un plaisir de les voir sur scène. Donc, très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, vous inquiétez pas. On va continuer, tiens, on parlait des groupes qui viennent de loin. On continuera tout à l'heure. Après ta petite chronique, avec un groupe qui était venu de Limoges, qui est prêt à revenir d'ailleurs, c'est le groupe Sugar Cane. Ils étaient venus en concert ici dans la région. Et à chaque fois qu'il y a un concert dans la région, ils me proposent une date s'ils peuvent venir. Et à chaque fois, bah, forcément, on cale une date parce que c'est un plaisir de les avoir. Alors, est-ce que tu aimes le blues? Si j'aime le blues, mais quelle question. Et c'est du blues très roots. Donc ouais. c'est-à-dire c'est vraiment dans les racines, dans les origines. Hein, donc vraiment, on part vraiment dans le sud des États-Unis. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle This Is Love. Voilà. Ah. Mais en attendant, tu vas nous présenter ta chronique. Alors c'est une chronique, tu vas prendre alors là, le je vais contrôle vous du cerveau. Ouais, je vais prendre le contrôle du cerveau. Là. Enfin, d'accord. Je vais tenter de prendre le contrôle de vos cerveaux et du mien en même temps. Ce soir, on va parler de ce qui nous rassemble à nous tous sur Arc-en-Ciel, c'est-à-dire, bien évidemment, la musique. Mais attention, on ne va pas parler de solfège, ni de concert ou de notes. On va parler de la manière dont la musique nous pirate. Eh oui, son âme là, elle est hacker. On pense qu'on choisit notre playlist, mais en réalité, c'est la musique qui prend le contrôle de notre cerveau. C'est le cheval de Troie le plus efficace de l'histoire. Il entre par nos oreilles, mais il finit par diriger vos pieds, vos souvenirs, vos mouvements et même votre chimie interne. Ah, la Madeleine de Proust, l'émotion. D'abord, la musique est une machine à remonter le temps. Vous avez remarqué ? Vous entendez trois notes d'un vieux tube et BAUM ! Vous n'êtes plus dans votre voiture, vous savez, vous avez 16 ans, c'est l'été, et vous sentez presque l'odeur du bitume chaud après l'orage. Scientifiquement, la musique est le seul stimulus capable d'allumer presque toutes les zones de votre cerveau en même temps. Elle ouvre l'accès à l'hippocampe, le coffre-fort de vos souvenirs. C'est pour ça qu'on peut oublier où on a garé sa voiture, où on cherche ses clés, mais qu'on connaît encore par cœur les paroles d'une chanson de 2010, voire bien au-delà. Le ver d'oreille, j'en parlais tout à l'heure avec l'histoire de... Comment il s'appelle déjà? Chris Milan. Je cherchais Chris. Le mot. Le, ouais, Chris. Dans son chanson, accoudé au balcon, J'ai eu l'occasion de l'écouter, de la réécouter, de la travailler un petit peu à l'harmonica. Et cette chanson, je me suis réveillé pendant trois jours, avec ce truc dans la tête. Et j'avais beau faire, elle revenait tout le temps. Et il y a des chansons comme ça qui reviennent. Il suffit simplement là d'en parler pour qu'elle me retrotte dans la tête. Alors, rentre chez toi et arrête d'être sur le balcon, s'il te plaît. Mais parfois, ce super pouvoir bug. C'est le fameux, donc, ver d'oreille. Cette chanson agaçante qui tourne en boucle dans votre tête depuis le petit déjeuner, vous savez, le matin. Et là, les amis, c'est exactement comme sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous scrollez sur Tic Machin ou Instabidule sans pouvoir vous arrêter, c'est le même mécanisme. Votre cerveau, ce qui n'a pas imprimé, est terminé. Le ver d'oreille, c'est le scroll infini de votre mémoire. Comme vous n'avez qu'un bout de la chanson en tête, votre cerveau relance la boucle sans fin pour essayer de trouver la sortie. C'est un algorithme biologique qui reste bloqué en mode chargement. Mon hack de hacker, et ouais, quand vous avez ce genre de problème, eh bien, je vais vous donner un petit truc ce soir. Et ça marche. Ça marche, je l'ai testé. Bon, il y a du sucre. Faut aller chez le dentiste après. Mais ça marche. C'est de mâcher un chewing-gum. Pourquoi ? Parce que le mouvement de la mâchoire brouille le signal de l'oreille interne et force votre cerveau à faire reset. La pharmacie sonore. Eh ouais, tu me regardes avec des yeux comme ça. Ben ouais, même c'est pas le chewing-gum. Non, parce que je te promets. Tous ces trucs-là que tu nous dis, là, c'est des choses qu'on a tous. Et quand tu nous les racontes, tu nous les expliques, mais finalement, on connaît déjà ce truc-là, parce qu'on l'a tous déjà vécu. Bien sûr, voilà. le ver d'oreille. Moi, c'est le ver cher, mais bon, il y a le ver d'oreille aussi. C'est vrai. Moi, c'est le ver de l'amitié. Quand, des fois, il y a des chansons que je retiens et qui reviennent sans arrêt, parce que c'est des chansons que j'aime bien, et dans ce cas-là, je suis content. Je chante sous la douche, etc. Ça m'accompagne toute la journée. Et des fois, pendant plusieurs journées. Toi qui chante sous la douche. Et après, il y a aussi des chansons de M, et ça finit par DE, des chansons qu'on n'aime pas du tout, qui sont dans la tête et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Ah, bien sûr, Et souvent, j'ai remarqué. Machin chewing-gum. Sous la douche. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu dors, tu mets ton radio réveil, et le matin, la première chanson qui va être diffusée à la radio, c'est celle que tu auras dans la tête pendant toute la journée. Assez souvent, c'est comme ça. Tu vas peut-être pas apprendre, mais tu vas te rappeler quelque chose. Au-delà du bug, la musique est une pharmacie sans ordonnance. Elle libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Vous savez, celle que quand on prend un verre, par exemple. C'est pour ça qu'on a ce frisson quand le refrain arrive. Elle réduit le stress. Elle aide à la concentration. Je parle de la dopamine. Et peut même soigner. D'ailleurs, c'est un sujet passionnant qu'on explorera plus tard avec un expert dans une de mes émissions de Didier & Co. Car la musique, on ne se contente pas de nous accompagner, elle nous répare. Conclusion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes essaient de créer ces vers d'oreille pour nous garder captifs. Captifs, pardon. D'ailleurs, je vais pas tarder à avoir soif, moi. Ah ouais? Ouais. J'ai la bouche pâteuse. D'accord. On finit par écouter la musique comme on respire, sans y penser. Alors, on vous défie ce soir, avec un Mavrika, de redevenir des rebelles musicaux, comme on aime bien les vrais rock and roll. Ne laissez pas une IA décider à votre place dans une prochaine émotion. Soyez curieux, curieuse, fouillez. Et laissez-vous surprendre par ce qu'Albino vous a préparé dans sa playlist. Entre une machine et un humain qui choisit un morceau avec son cœur, il n'y aura jamais photo. Bon voyage sonore à tous. Mais avant de finir, n'oubliez pas votre @ follow et votre code postal, exemple 4500 quelque chose, sur la page d'Albino Mavrika. Bonne soirée et je vous réitère à toutes et à tous les vœux de la part d'Arc-en-Ciel, de la part d'Albino en face et de moi-même. Happy New Year. On va justement, tu nous parlais justement de la dopamine, tout ça, les trucs du plaisir. Alors on a parlé de drogue, etc. Il y a une drogue, on est tous un petit peu accros, c'est le sucre. Et c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite Sugar K. Kane. Radio Arc and Seal. Que le rock and roll soit avec vous. Never, never.

Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm stuck. Every night and every day, in your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. C'était un peu la série slow hein, dans l'émission Mavrika. On a besoin de temps en temps de s'envoyer du bon son à coups de watts dans les oreilles et d'autres fois aussi de calmer un petit peu les décibels et d'écouter des très belles voix. Là, on vient d'écouter deux belles voix, deux reprises. La première, c'était une très belle voix, grave, bien comme il faut. C'était notre ami Thomas Liénard, qui est déjà venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et qui maintenant a son projet. Et d'ailleurs, il faut qu'on l'invite pour qu'il vienne nous présenter son nouveau projet. Donc, ça s'appelle Told. Ouais. Told. Et il a repris une chanson d'Adèle qui s'appelle Rolling in the Deep, hein, que tout le monde a reconnu. Et à l'instant, on vient d'écouter une très belle voix aussi. Super, hein. C'était quand même la choriste de Johnny Hallyday, de Michel Sardou, etc. Elle les a très bien connus. Elle nous a raconté plein d'anecdotes à chaque fois qu'elle est venue ici dans les studios. Elle est venue à deux reprises. Et elle a chanté une chanson que tout le monde connaît. Et toi, tu me dis, c'est une reprise. Bah, bien sûr, c'est une reprise. C'est Simply the Best de Tina Turner. Et reprise juste à la guitare, une voix, une guitare. Double voix. Oui, parce qu'elle a été quand même. Voilà, c'est elle qui fait les devoirs, faut le savoir. Bah, elle travaille mais avec ça a un, été. Un vocodeur, un processeur. Non, elle travaille. Non, ça n'a pas été enregistré en direct, c'est-à-dire c'est dans un studio, donc elle a fait les devoirs, et ça a été mixé après, hein, comme on fait beaucoup. Comme des fois, il y a des guitaristes qui font l'accompagnement et qui font le solo en même temps. En vérité, non, ils ont enregistré d'abord l'accompagnement. Ouais, ils ont le, fait leur piste. Et voilà, et d'ailleurs, on fait des pistes. À ce sujet-là, je recevrai, tu t'en rappelles, Sylvain de Ladstrider. Ouais, tout à fait, là, qui va nous expliquer pas mal de choses comme ça. Il va nous parler un petit peu de la technique pour ceux qui s'intéressent. Ben oui, il m'a fait ouvrir les yeux. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il raconte, là? Et c'est vrai que quand Ladstrider était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on a dit, les morceaux sont super bien mixés. Vous êtes passé dans le studio. Nous, on a fait ça à la maison. Alors, moi, je l'ai regardé, je dis, les mecs sont forts. Quand je parlais un petit peu, parce que j'aime bien un petit peu le côté technique, D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans mon. Tiens, on va se caler un petit Ladstrider. Il faut vraiment pas qu'on oublie. J'en parle un petit peu dans mon bouquin. Je le cache pas, il a du mal à décoller, J'ai du mal à le placer, mais bon, je crois que les gens, ils ont autre chose à faire qu'à lire en ce moment. Je parle un petit peu du mix et du mastering et c'est très enrichissant et c'est vrai que quand on aime le son il faut s'y lancer un petit peu, mais là ça sera l'occasion de le titiller un petit peu et de savoir parce qu'il vient pas de n'importe où, le gaillard. Il a de l'expérience parce qu'il y a des choses qu'on apprend et tout ça, mais lui il a son expérience, il a testé des choses, il a fait plein de choses de lui-même, il a accompagné les plus grands aussi, des grands artistes dans des très belles salles avec un matériel de malade, donc c'est quelqu'un qui connaît. Et des fois il m'a expliqué qu'il travaille, parce que je l'ai eu entre temps au téléphone, il travaille avec plus de 100 musiciens. Ouais, il est au Philharmonique de Paris, donc J'imagine. La difficulté à capter le son et à le rediffuser. C'est un G son, mais live. Parce qu'il y a plusieurs. Il nous en parlera un petit peu. Et de mémoire, je crois qu'il sera là dans nos studios, j'allais dire dans mes studios. Enfin oui, dans le studio. Il sera là le 5 février, logiquement, si tout se passe bien. Bah écoute, moi je vais te mettre en relation avec aussi des personnes qui ont des studios d'enregistrement. Est-ce que ça t'intéresse? Ah ben bien sûr. Voilà, donc peut-être pas le faire l'un à la suite de l'autre, mais de temps en temps venir justement sur des émissions un peu techniques. Pour nous, c'est vachement enrichissant. Et faire connaître aux gens la technique, les studios, comment on fait, comment ça se passe. Voilà, c'est très intéressant. C'est un petit peu, je vais pas faire, c'est pas de la publicité, mais c'est pour redire un petit peu le recadrer l'histoire de en avant la musique entre passion et business. Justement, c'est tout ça que je recentre dans le livre. Je parle de tout ça. Bon, à travers, il y a un petit peu mon parcours de chanson, ma rencontre avec Annie Cordy, enfin tout ça. Tata Yo-Yo. Tu l'as pas encore lu, alors, mon livre. J'ai pas tilté sur ce truc-là. Je l'ai rencontré toute petite. Parce que moi aussi, j'ai eu la chance de l'avoir quand j'étais enfant. Elle était adorable. C'est une femme qui était adorable. Elle m'avait repéré lors d'un radio crochet à l'époque, et elle m'avait demandé de lui faire sa première partie trois semaines après dans une grande ville sur le podium Sud Radio, et là j'ai biché là. Je vais pas raconter le livre, mais bon, voilà, c'est le premier chapitre. Hein. Et après, bon, il y a eu des. Il faut que je retrouve ce truc-là parce que j'ai pas tilté là-dessus. Eh ben, le premier article, tu riras. Il y a marqué la bonne du curé. Et à travers ce livre, en fait, puisque je peux en faire un petit peu la promo, c'est pas que je raconte ce que je sais pas. Je raconte justement ce que je sais, ce que je vois, et ce qui n'est pas compris. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion l'autre jour de me titiller avec une association qui organise la fête de la musique en 2026, qui a programmé, qui a demandé, qui font des recherches. Je leur ai répondu par Messenger et j'ai eu une petite attaque qui s'est terminée au téléphone d'ailleurs, parce que ce que je disais les embêtait, mais je ne disais que la vérité. C'est que simplement, là, pour le style de fête de la musique, oui, mais il faut arrêter de faire de la musique n'importe comment. Faut arrêter des fois faut redescendre sur terre en se croyant un petit peu en haut des étoiles, parce qu'on n'y est pas. Et puis en même temps, il faut, pour moi, c'est mon simple avis, hein, c'est après on peut me contredire, il y a pas de. Je saurais en parler, mais c'est le fait de profiter de la musique pour se faire de l'argent. Oui, sur le dos des musiciens, c'est voilà, surtout ça. Qu'on soit pro ou qu'on soit amateur, hein. Après, c'est l'histoire. Il y a beaucoup d'amateurs et trop qui confondent cachet, défraiement. Moi, je veux mon cachet. Arrêtez ça, les gens. Non, c'est pas des cachets. On fait pas un salaire. On n'a pas le droit. Après, oui, il y a des lois à respecter, bien entendu. Et voilà, on va faire du défraiement, on va être en association, tout ça, mais respecter, rester dans les clous. Sinon, ça. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Si, je dis beaucoup. Et voilà, et le livre, moi, il parle pas que de ça, il parle de l'histoire de la musique, il parle de plein de choses. Et moi, j'ai fait beaucoup de sujets qui ont été abordés déjà dans l'émission ouais, aussi. Ouais, mais voilà, je fais un condensé. Parce que ça, on va aller rechercher à droite, à gauche, sur Internet. Et en fait, ce livre, il ne retrace que ça. Et moi, j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont contacté, des gens qui sont pas du tout des musiciens, et qui m'ont dit, ouais, j'apprends plein de choses parce qu'il n'est pas fait uniquement que pour les musiciens. Il est fait pour les musiciens, il est fait surtout aussi pour les organisateurs, et il est fait aussi pour monsieur et madame tout le monde qui veulent connaître notre milieu, notre business, comment on travaille. Donc voilà. Et puis, des fois, les gens, même les particuliers, des fois, ils ont un événement, ils ont envie de faire venir des artistes, il faut savoir, aussi des manières. On peut pas défrayer, donner de l'argent comme ça, normalement, ça se passe pas comme ça, donc il faut faire un contrat, il y a tout un. Exactement, alors après, contrat, ça fait un petit peu lourd, mais on peut faire des protocoles de prestations, des choses qui sont cadrées, qui sont entre l'un et l'autre, et puis qui sont aussi cadrées avec les différentes structures, que ça soit la SACEM, que ça soit l'URSSAF, que ça soit plein de choses, et ça, il faut l'expliquer. Et moi, ce que j'ai cherché à faire à travers ce livre, c'est simplement recentrer tout ça et que les gens puissent le lire en 140 pages, voilà, c'est tout. Mmh. Voilà, après vaut de la galère, et c'est pour ça que je parle en avant la musique et entre la passion et le business, savoir faire la différence, savoir faire la différence entre une personne qui en vit professionnellement, donc qui a des contrats avec un guzou ou un manager et tout, et puis le travail aussi des petits groupes, c'est pas péjoratif, mais des petits groupes amateurs comme on en écoute à Mavrika merveilleusement bien, et qu'ils puissent aussi se faire connaître et rester tout en restant dans les clous. Et voilà, donc je parle de scène ouverte, de jam session, tout le monde confond tout le monde dit tout le monde sait tout, personne ne sait rien, enfin je dis pas personne ne sait rien, c'est grave ce que je dis là, ça va faire le gars qui a la science infuse, c'est pas du tout ça. Il y a aussi des gens qui savent mais qui veulent pas tenir compte exactement des choses, ouais, mais nous on s'en fout un petit peu, voilà, ouais, mais nous on s'en tamponne le coquillard, ouais. Mais le jour où ça tombe dessus, voilà quoi, bon. Donc voilà, moi je voilà, c'est voilà, tout ça c'est marqué dans ton livre, donc on invite les gens se le procurer. J'invite les gens à se le procurer, en plus il est pas extrêmement cher. Je viens de recevoir mon ISBN, donc je peux le vendre maintenant partout, dans toutes les meilleures boungeries de l'internet. Mais, dis pas ça, sinon les gens ils vont te prendre en mot, ils vont chercher. Vous avez pas le dernier? Bah non, on vend du pain ici. Mais dans les meilleures boulangeries du web, je dis. Et web, donc d'accord. Voilà, si je voulais pas donner les noms. Donc je vais pouvoir le mettre là incessamment sous peu avec ce numéro de matricule, d'identité. C'est ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Puis sinon, voilà, après lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Mm-hmm. Et j'en ai offert, on n'est même pas venu les gagner. À ce propos, il y a aussi, tu en as offert, il y en a un qui a gagné. Oui. Et quelque temps, c'est monsieur Chris Denaker. Ah, qui sera notre invité la semaine prochaine. Bien sûr, t'as vu un peu la transition, comment on a fait ça. Donc c'est moi qui l'ai. Il a gagné aussi un disque de The Wild, un vinyle. Tout à et fait. Donc la semaine prochaine, il vient ici. Ce sera l'occasion pour moi de lui remettre son anniversaire. C'était aussi son anniversaire la semaine dernière. Ah oui, je lui ai souhaité en direct. Tu lui as souhaité en direct. Et puis il s'en souvient. Il me l'a dit tout à l'heure au téléphone, parce qu'il nous appelle pratiquement à chaque fois. Je sais qu'il nous écoute. On a passé un petit prisma tout à l'heure. Et la semaine prochaine, il vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission, hein, donc le 9 janvier, donc ça sera un vendredi une fois de plus, et C'est toujours un vendredi chez toi. 19h à 22h, comme d'habitude. Donc, il sera là pour nous parler du groupe Prisma, bien entendu, puisque c'est le guitariste, un super guitariste de ce super groupe aussi, qu'on a écouté tout à l'heure. Et il est aussi organisateur, grâce à son association qui s'appelle Creek for Zik. Ah, c'est voilà. Acléry, ça. Acléry, tout à fait. C'est ça, ouais. Et il organise régulièrement des concerts. Et cette fois-ci, je crois que bon, il y a le Creek Fest qu'il fait habituellement, donc il va nous en parler. Et il va parler aussi d'un autre événement qu'il organise aussi, où il y aura du groupe. Donc la semaine prochaine, il viendra avec des titres des groupes qu'il va faire jouer. On va essayer de vous donner le maximum d'envie d'aller applaudir ces groupes, de secouer la tête devant ces groupes, puisque c'est quand même des groupes de hard rock et de métal. Donc c'est son style, hein, voilà, c'est le style de musique qu'il écoute et que nous on aime bien aussi sur Radio Arc-en-Ciel. Ça fait du bien de temps en temps de secouer la tête, hein, et puis d'accompagner et de crier, et puis d'applaudir les groupes qui sont sur scène. Et on a de très bons groupes dans la région et en France, hein, en général. Et justement, c'est l'occasion d'aller les voir. D'accord. Je voulais juste passer un message à, si vous le lisez ou vous le trouvez pas, vous allez à Orléans Store Musique, du côté de Décathlon, là-bas au sud. D'accord. Il est en dépôt vente, là où vous pouvez le trouver. D'accord, très bien. Et puis sinon, les gens peuvent te contacter aussi. Oui, bien sûr. Mais sinon, c'est l'occasion aussi d'aller voir un petit peu Jérémy et de lui faire. D'ailleurs, je recevrai Jérémy et deux ou trois personnes de son école, parce qu'il y a un super cours de musique, de chant et tout ça, et ils viendront. Alors moi, je vois souvent les photos où il y a des artistes de la région qui vont essayer des instruments, etc. Bien sûr. Et donc à chaque fois, je dis ah tiens, un tel, parce que je connais pas mal d'artistes, et donc ils vont se fournir aussi. Dans ces magasins de musique, et je pense qu'il doit être de bons conseils. Il a fait venir il y a pas longtemps, d'ailleurs j'ai tourné une petite vidéo là-haut le jour où c'était. Il a fait venir notamment Néo, qui est une personne très connue sur le YouTube, sur le web. C'est un YouTuber avec 25 000 ou je ne sais plus combien de followers. Il était là en masterclass, et après il a fait un petit showcase. Vraiment, c'était chaud. Il envoie bien comme il faut. Ouais. Après, c'est pas mon style, mais on peut quand même voir des fois des artistes, même si c'est pas notre style, on voit qu'il y a du travail, on voit que c'est après, bien l'homme, fait. Après, l'homme en lui-même, ça reste l'homme, hein, je veux dire, cette personne-là. Mais voilà, très très ouvert et très très comment dirais-je, concentré sur ce qu'il fait, quoi. Mm-hmm. Vous me connaissez. Très bien, bah on va continuer avec de la bonne musique. Hein. Je te propose d'écouter Sika. D'ailleurs, il va y avoir de l'actualité. On va l'écouter et après, on en parlera parce qu'il y a un événement qui se passe le 17 janvier. Bon, on va le dire tout de suite. Hein. À Olivier. À Olivier, il y a donc la sortie de l'album, nouvel album de... Le deuxième album. Oui, c'est ça. Donc, sortie du nouvel album le 17 janvier, et ça se passe à l'Alliage, à Olivet. Donc, une belle scène, une belle salle. Moi, je sais que Sika, dès le départ, j'ai toujours adoré déjà sa voix, avant même qu'on compose ce groupe-là. Et Chris, je le connaissais déjà dans... D'ailleurs, j'ai vu des photos dernièrement où il était encore dans le groupe Yeti. Voilà. Ah, d'accord. Il a fait partie du groupe Yeti. Ouais. Et après, il a joué avec Sika. Ils ont formé le groupe. Et puis aujourd'hui, pratiquement, ils sont tous les deux. Des fois, ils se font accompagner d'autres artistes. Mais c'est super bien fait. C'est bien millimétré. Ouais, c'est propre. Elle a une voix qui est formidable. Adorable. Qui colle tout à fait à son style. Elle a une superbe voix. Et en plus, personnellement, c'est quelqu'un de charmant. Gentil comme deux fois, tout, deux super fois, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Ouais, et puis nous, on l'apprécie beaucoup. Et puis voilà, c'est l'occasion de lui dire. On est en 2026. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, ça c'est important. Ouais. Après les autres, on s'en fout un peu. Oui. Je t'aime. Oh là là, c'est une déclaration, là tu nous fais vraiment plaisir. Voilà, je vais rougir, je vais être obligé En plus, il est rouge. Hein. C'est pas l'effet du micro. Non, hein. Non, c'est pas l'effet du micro, c'est parce que nous, on a des micros devant nous, et à chaque fois qu'ils sont on air, ça s'allume en rouge, donc on est un petit peu rouge. Ouais, mais là, c'est pas l'effet. Mais là, c'est encore plus rouge que d'habitude. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Donc, on va écouter. On va écouter. s'amuse. Voilà. Ben on va dire à tous les auditeurs qu'on les aime beaucoup. Ben voilà, aussi. On vous embrasse, on et vous adore. On vous adore et puis on va continuer en musique. Et venez nous le dire aussi. Venez ouais. sur la page, venez faire ouais, voir. Aujourd'hui, c'est, ils ouais, participent pas mal. Oui, hein. Faut, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, ça nous fait vraiment ouais, plaisir. Moi, je m'y engage. Je vais en parler à la direction plus tard. Mais dans l'année 2026, on fera une ou deux fois, si on veut, peut-être trois. On leur fera gagner quelque chose. Oui, oui, oui. Hein, on s'engage. On a cette possibilité, ouais, tout à fait. Hein, ouais. Et puis j'ai quelques trucs à leur faire gagner parce que moi j'ai aussi les artistes qui viennent ici. Des fois ils me donnent des disques ou des choses comme ça. Et des fois ils en laissent plusieurs. Donc c'est vrai que je les fais gagner. Et il y en a certains que j'ai pas fait gagner. Je me suis rendu compte que j'en avais à la maison. Donc on les fera gagner dans les prochaines émissions. Bien sûr. Et comme ça, ça nous fera aussi reparler des artistes qui ont justement laissé ces disques-là. Voilà. On écoute Sika avec un morceau qui s'appelle. Alone, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Voilà, ça commence tout doucement, il y a avec les petits oiseaux. Là, on est presque au printemps. 26 déjà. Secondes de. 26 secondes ouais, de. Ouais, parce que quand j'ai fait la dernière fois l'émission, j'ai calculé ça pour laisser un blanc et pour parler sur la musique, mais là, on va écouter les oiseaux. Ouais, mais là, on écoute les oiseaux, et de toute façon, je te dirai au moment où elle va parler. On peut parler jusque-là. Ouais, voilà. Mais je surveille d'ici. Là, pour l'instant, on entend le petit bruit de fond et tout ça. Bon, vous pouvez regarder le clip sur Internet. Voilà. On écoute tout de suite. Hein. And everything.

tronche, je te vis, tu le sais, qui peut savoir avant l'heure passer l'éponge, quittons les songes, et nous pourrons éloigner le pire, quitte à nous mentir, éloigner le pire, quitte à nous mentir, pour que toi et moi jusqu'au bout. Tu sais les années qui s'étirent, tu les fuis, je le sais, qui veut savoir nos idées, nos désirs, changeons de mire et nous pourrons éloigner le pire. Bon, tu sais qu'on est passionné par la même chose. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis bon, par la musique, voilà, la musique, la radio, les ondes. Ouais. Et puis, ça nous laisse quand même dans un monde qui est vrai, pas un monde virtuel, comme on y va de plus en plus. Voilà, c'est ça, ils le feront pas avec l'IA. Il y a plusieurs choses que je voulais dire et que j'ai un petit peu oublié. Alors déjà, je voulais. Ça, c'est l'âge. Non, j'ai toujours été un peu comme ça. Moi, je suis un petit peu distrait. Et puis aussi, tu as remarqué que je ne note rien. Oui, t'es pas comme je moi. Je ne note rien. Donc, ouais, mais toi, t'as 15 ans d'expérience. j'ai calculé l'autre fois 1980 et quelques heures de vol, tu vois. Quand tu vois 16 ans, tu multiplies par 3 ans, ça commence à faire. Hein, sans compter les émissions de radio que j'avais fait déjà dans les années 80. Donc, bien sûr, tu rajoutes 4 années. Et moi, j'en suis à 14 heures. Ouais, mais bon. Il y a du taf. Mais, bon, t'as déjà bien progressé en très peu de temps. Hein. Oui, pourquoi? Parce que t'es passionné. Voilà. Bah, moi, j'ai senti comme ça. Je suis passionné, puis en même temps, je veux pas décevoir les gens qui m'écoutent, mes auditeurs, les auditrices, les gens avec qui je travaille, les gens qui m'ont fait confiance. Et puis moi, je suis perfectionniste aussi. Donc j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien rendre ce plaisir aux gens. Donc voilà, c'est du win-win. Donc je me corrigeais par rapport à ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, Angéline Annonier était accompagnée. Tout à l'heure, on l'a entendu, une voix. C'était celle d'Angéline. Et une guitare, c'était celle de Pascal Brett, que nous avons eu la chance de recevoir ici dans le studio. Du monde, quand même. Et Pascal, justement, a un studio d'enregistrement. C'est lui qui enregistre pas mal de choses. Il est musicien lui-même. Et il est venu une fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, s'il nous écoute, je l'invite à revenir avec Angéline tout seul, comme il veut. Il n'y a pas de souci. En tout cas, et en plus, il joue dans un groupe qui est un tribute de Pink Floyd. Alors pourquoi ne pas les recevoir justement à ce propos-là avec son groupe de tribute. En tout cas, c'est une belle personne que j'ai eu la chance de rencontrer une seule fois. Avoir des flamants roses dans un studio, tu te rends compte. Ouais. Pink Floyd, donc voilà. Et puis autre chose aussi, c'est l'IA, c'est très bien, mais servez-vous de l'IA. Attendez pas que l'IA se serve de vous. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça m'est venu tout à l'heure, j'ai voulu le dire. Moi, je me suis dit c'est parti. Et après, je me suis dit, ouais, ça, c'est quand même un truc. Servez-vous des bons outils, tout ça, mais attendez pas que les machines fassent les choses à votre place. Ça serait dommage, quoi. Ça peut aider. Enfin, ça, faire les choses à sa place quand on est quelqu'un de malade, d'handicapé, ça peut aider, je veux dire, dans ce sens-là, mais pas dans le côté intellect. Il faut le garder, il faut le nourrir. Moi, je travaille beaucoup avec l'IA dans le texte, dans les recherches. Je fais beaucoup de recherches sur. Je contredis même des fois 2 IA. Ouais, je me suis amusé à 48 heures. Je me suis déjà amusé à leur envoyer aussi des petits pics en disant voilà, bah toi tu te débrouilles pas très bien. J'ai demandé à l'autre, il m'a déjà répondu. Hein. Voilà. Ah, et donc. mais le fait, voilà, c'est comme tout. C'est un moyen de communication, c'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen de gagner du temps. Et voilà, il faut pas en devenir. Mais attendez pas que ce soit l'IA qui fasse de la radio. Hein. Écoutez des vraies émissions avec des vrais gens qui sont derrière les micros. Hein. Voilà, mais c'est vrai que cette émission Mavrika, moi je l'ai dans le cœur, de plus en plus. Ah bah, super, merci. Et j'ai hâte. Je compte les jours entre le jeudi et le vendredi. D'accord. Non, c'est sincère ce que je te dis, c'est vrai, et ça fait du bien pour la musique, mais pour le fait de partager, d'être là, d'exister. Tu veux qu'on dise quelque chose aussi avec Mavrika? On aime bien aussi organiser avec l'association Mavrika. On organise aussi les Mavrika Live, et là il y aura 2 événements qui vont venir très rapidement. Donc il y en a un, c'est le 21 février Nous avons l'auditorium de la Chapelle Saint-Émin, donc une salle traitée pour l'acoustique. Ouais, ouais, et on va faire jouer deux groupes. Alors on a déjà décidé des groupes. Maintenant, il y en a un qui est d'accord parce que j'ai rencontré les gens et tout ça. Il n'y a plus qu'à convaincre le deuxième, hein, dont on a diffusé un morceau tout à l'heure. Et puis après, pour le Maverick Alive, il faut qu'on prépare parce que le Maverick Alive, c'est le 7 mars. Donc ça va venir très vite. Donc, ah ouais, puis n'oubliez pas une chose très importante. Fin mars, c'est le Parc Expo, ouais. La Foire Expo. Ouais. La Foire Expo, et je sais que cette année, c'est le Portugal qui est. Et il y aura Radio Arc-en-Ciel qui sera là-bas. Voilà, il y aura Radio Arc-en-Ciel et vous aurez l'occasion. Alors, peut-être pas pour toi, parce que je pense que tu seras loin. Non, je serai pas là, loin. Je serai très loin d'ici. Tu seras en train de boire du thé du côté du Sri Lanka. Ouais, du thé de Ceylan. Ceylan, ouais. Mais par contre, il y aura d'autres... moi, je sais que normalement, je devrais y être. Vous pourrez venir rencontrer vos auditeurs. Les auditeurs pourront venir nous rencontrer. Pense que, d'après ce que j'ai vu, enfin, je suis tout à l'heure, je devrais faire deux émissions là-haut, moi, mon émission, et te remplacer, puisque toi, tu seras encore parti. Ah ouais, encore parti, voilà. Ouais. Non, vers d'autres horizons. Non, c'était prévu depuis longtemps et oui, malheureusement, oui, ça tombe. Moi, si j'avais le choix, j'irais à ta place. Hein. Ouais. Je te le cache pas. Mais je viendrais bien volontiers vous rencontrer et discuter, vous faire voir la chose technique. Venez nous voir, on est là pour ça aussi. Je voulais te demander, est-ce que tu connais le groupe Melody Road? Oui, un petit peu. Tu connais un petit peu? Ouais. Tu as vu la voix de la chanteuse? Vu, non, entendu, oui. Non, oui. Oui, tu as. Bon, je recommence. Celle-là, on l'efface. Allez. On l'efface. Ah, t'as pas un jingle, là, en bobine? Tiens, on va essayer d'en trouver un pour les prochaines émissions. Donc, est-ce que tu as entendu la voix de la chanteuse? Je l'ai écouté une fois. Ouais, ils ont participé à un Maverick Live. Ils sont déjà venus ici dans l'étude de Radio Arc-en-Ciel. N'oublie pas que tu m'as donné une grosse bande. Enfin, pas une grosse bande, parce que malheureusement ce groupe s'est dissous il n'y a pas longtemps. Mais non, une grosse bande, enfin pas une bande, mais tu m'as donné des données, des dossiers, du dossier, on va dire, du lourd, du lourd, avec tous les artistes de l'émission Maverick. J'écoute sans je pioche, et là ouais, ça me parle. Il y a plein de bonnes choses, hein, franchement. Moi je suis fier de représenter un petit peu les artistes de musée. Voilà, c'est un vrai musée, et c'est aussi des archives. J'ai plein je de crois disques. Que t'as la plus grosse, pour moi, t'as une des plus grosses. Une des plus grosses archives, d'archives de des artistes de. des gros. On se regarde, on est face à face dans la glace, mais ça sera filmé parce que on s'envoie des petits pics, on fait des petits gestes. Ouais, et tu filmes. Ah ouais. J'ai filmé tout à l'heure. T'as filmé pas mal de trucs. Pas pour faire un live, mais pour faire découvrir la radio et inviter les gens à nous. Un petit montage, ouais. Pour parler de la radio et pour parler aussi des émissions qui s'y passent, quoi. On va voir comment ça se passe. Très bien, on va écouter Melody Road avec une chanson, c'est une reprise, hein, ça s'appelle Freedom. Écoutez bien. Et puis on fait avant de partir, on fait un petit coucou à Florent quand même, notre podcasteur. Ouais. Il est à l'écoute. On va revenir, on va dire au revoir et puis. Ouais, c'est vrai que ça va être juste. En tout cas, Florent, merci beaucoup pour ce que tu fais pour la radio, hein, pour l'émission Maverick et pour la radio en général, hein, parce qu'il enregistre, c'est lui qui s'occupe des podcasts, donc il va me envoyer rapidement, parce qu'il le fait toujours très rapidement pour l'émission Maverick. On voit le lien et que je partage, et comme ça vous allez sur le groupe de podcasts de Radio Arc-en-Ciel et tout vous retrouvez le podcast de l'émission Maverick. Maintenant, il a fait fort parce qu'il met nos photos en plus sur les podcasts. Oui, comme ça, on retrouve beaucoup plus facilement avec la date et tout ça. On écoute Melody Road avec Freedom. C'est vrai qu'elle a un superbe timbre de voix et tout ça. Et comme je le disais en off tout à l'heure, je trouve qu'elle a le timbre de voix de la regrettée Amy Winehouse. Elle a ce côté un peu soul, elle peut chanter des. C'est surtout le timbre, le grain. Superbe voix. Elle a une voix rock, enfin pas rock. Puissante et douce à la fois. Et douce à la fois, elle est pleine de sensualité. Magnifique, hein. En tout cas, toujours un plaisir d'écouter ce morceau-là. Et ils en ont fait plein. Ils font pas mal de reprises et tout ça. Si un jour je la rencontre, je lui proposerai peut-être un jour de chanter avec elle. Simplement comme ça pour le truc, ça me plairait bien. Superbe voix, en tout cas. Donc, Melody Road, un groupe qui a participé il y a quelques années déjà à Maverick Alive. Et toujours autant de plaisir à écouter leurs morceaux. On arrive à la fin de cette émission. C'était la 668e. On est le 2 janvier. Que peut-on 2026. Rajouter 2026, donc la première de l'année. Et on vous envoie plein de gros bisous. On remercie tous les gens qui sont intervenus. On va pas les citer tous. Tu commences à en avoir il y en a quelques-uns déjà. 22 personnes qui nous ont envoyé des petits machins et pas mal de commentaires aussi, énormément de commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des émissions, des fois les gens sont un peu moins attentifs. Là, on est peut-être en plein hiver, les gens sont plus à la maison, ils écoutent peut-être plus attentivement. Et en tout cas, on les remercie. Tu leur as manqué ? Ça, c'est vrai que c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Quand il y a une absence pendant un certain temps, quand je reviens, j'ai plus de gens qui interviennent parce qu'ils me disent, il faut pas qu'ils laissent tomber l'émission. Ils étaient pas là pendant une semaine ou deux semaines. Maintenant, on va l'encourager pour qu'ils continuent. Tu sais que je te disais tout à l'heure en off que j'ai eu une personne au téléphone qui m'a appelé après mon émission, quand je t'ai remplacé. Qui était inquiet et qui me disait, Ouais, mais allô, Didier, disons, t'as fait l'émission, mais Mavrika Albino, il a pas été viré, tu vas pas prendre sa place. Non, mais rassure-toi. Je dis non, il était, si t'as écouté, il était en vacances. Ah ouais, mais à un moment donné, j'ai eu peur quand même. Puis je fais non, bah attends, il est un déboulonnable encore. Ouais. Ah, puis c'est pas mon truc. Je veux pas. Non, je suis pas là pour ça. Je suis là. T'étais là pour me remplacer. Tu l'as très bien fait. En tout cas, j'ai eu des retours que même notre ami Florent, je dis comment il s'est débrouillé, il m'a dit très bien. Donc voilà, venant de Florent. Je suis comblé là. Ah oui, parce qu'il est attentif lui à l'émission. Je savais que j'étais attendu. D'ailleurs, Florent, si tu dois couper, coupe l'émission. Nous, on va juste dire au revoir. Voilà. On va passer un dernier morceau. Et puis, de toute façon, après, on va arrêter l'émission. On va rendre l'antenne. Et nous, on va se retrouver ici pour parce que il y a Didier qui filme en même temps les studios. On a encore plein de choses à se dire. Donc, l'émission se termine sur les ondes, mais continue après. Il y a un after. On va dire ça comme ça. After, vous le verrez que quand vous viendrez. Voilà. Très bien, donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, pour l'émission numéro 669, ça sera Chris Danaker qui viendra ici présenter les événements proposés par l'association CRIC. CRIC for Zik, voilà. Donc si vous aimez le rock, le hard rock, le métal, voilà, c'est l'occasion de venir, parce qu'il y aura de bonnes manifestations cette année sur ce style musical. C'est quand même les spécialistes de la région, hein, avec les meilleurs groupes qui jouent pour eux. Donc on a passé tout à l'heure, on va passer tout à l'heure Last Rider. Il y a aussi les Elixir que je voulais aussi diffuser, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on les diffusera dans les prochaines. Des superbes groupes qu'on a dans la région. Et puis il faut pas oublier aussi le groupe Prisma. Bien sûr. Voilà, qui joue aussi, hein. Ce sont des musiciens, ce sont des passionnés de musique, et ils font du rock comme on aime. Donc il faut vraiment les encourager dans leurs événements. Il faut vraiment se déplacer, il faut aller les voir, ça c'est très important. On va dire les phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et everything is gonna be alright. Yes. Allez, donc on va se quitter justement avec un morceau qui me tient à cœur. C'est le groupe Last Rider qui chante une chanson qui s'appelle Metal Maniac. Et pour ceux qui écoutent Radio Arc-en-Ciel depuis de nombreuses années, ils savent que c'est le nom d'une émission qui avait ici avant, qui était animée par le regretté Fred, hein, une personne qui nous a quitté beaucoup trop tôt, hein, parce que même s'il avait laissé tomber l'émission, il la faisait plus, il l'avait quand même fait pendant pas mal d'années sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Il était toujours passionné, on le voyait souvent dans les concerts, il aimait le rock, et puis malheureusement il nous a quitté. Mais c'est un hommage justement à Fred et à cette émission sur Radio Arc-en-Ciel. Donc c'est normal qu'on la passe sur Radio Arc-en-Ciel. Ça s'appelle Metal Maniac. C'était le nom de cette émission. Et on va se quitter sur ce morceau-là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h. Et toi, tu seras là le jeudi. Jeudi, je reçois des gens du milieu brassicole. Je reçois une entité sur Orléans depuis une entité. D'accord. Je reçois trois personnes. La brasserie du Four à Briques. Ouais, on va tout savoir sur la bière. C'est ce que je voulais te dire. Je dis, ça a un rapport avec des briques. Ouais. Donc, ils brassent, ils mettent des briques dans la bière, c'est ouais, ça? T'écouteras l'émission. D'ailleurs, je crois que tu seras peut-être là dans les studios, je sais pas, mais. Ouais, j'essaierai d'être là si j'ai pas de rendez-vous oui, spécial. Bien sûr. Quand je peux vraiment être là, oui, c'est avec beaucoup de plaisir. Ouais. Et puis, ça me permet de rencontrer ces personnes que je connais déjà. Hein, oui, tu les as rencontrées au Beer Garden. Donc, ça, c'est l'occasion, justement, de les connaître un peu. Je crois qu'ils vont nous amener un petit cadeau, il me semble. D'accord. Ça. Ok. Imaginez... Un genre de truc qu'on boit avec modération. Voilà. D'accord. Tout okay. à fait. Ok, en tout cas, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Donc, deux rendez-vous. Mais n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a d'autres émissions sur Radio Arc-en-Ciel. Chaque émission a son univers, chaque émission a sa couleur. Et donc, vous écoutez beaucoup d'émissions aussi portugaises, parce que la communauté portugaise est toujours calée sur Radio Arc-en-Ciel, c'est ce qui est évident. Mais il y a aussi plein de variétés. Et c'est surtout des émissions que vous ne trouvez pas sur les autres radios. Il y a une émission le lundi à 15h. Avec une demoiselle, une black, qui me fait rire. Alors je m'éclate parce que elle speak very well. Elle parle en anglais, c'est un plaisir. Ouais, elle est mais par contre, quand elle essaye de parler en français, je suis franchement mort de rire. Mais elle s'applique. Et c'est ouais, super. J'ai eu l'occasion de la recevoir, recevoir deux fois dans l'émission Mavrika. Et elle avait fait regarder un peu comment ça se passait. Ah, elle avait pas encore c'est une ancienne speakerine de son pays, de l'Érythrée, je crois. Je sais plus d'où elle est. Non, d'Afrique du Sud, tout simplement. Oui, d'Afrique du Sud, RSA, oui, pardon. République sud-africaine. C'est une ancienne speakerine qui est venue en France. Elle parle anglais, elle parle. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix et elle parle anglais comme. On rêve tous de parler. Je me rappelle, on était, j'étais venu lors d'une de mes premières émissions chroniques. Elle était là en formation. Elle était là. On a discuté après, on l'a pris au micro et. Ouais, on avait discuté avec elle, on l'avait fait participer tout ça. On l'a accueilli dans la grande famille de Radio Arc-en-Ciel, Voilà, donc, on pourrait rester des heures et des heures à raconter plein de bons souvenirs dans l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel et dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, tout simplement. Il s'est passé plein de belles choses, plein de belles rencontres. Donc, continuez de soutenir les radios indépendantes comme la nôtre, hein, une radio associative. Et puis surtout, continuez à écouter les animateurs qui donnent beaucoup d'eux en attendant rien en échange parce que c'est un plaisir mais ils ont besoin aussi d'être encouragés et c'est important on est bénévole tout simplement très bien donc on est très cher payé mais en musique en notes on a des bonnes notes en musique et en amitié en retour pas du bâton mais simplement c'est notre c'est ce qui nous encourage. C'est voilà. Ça, c'est les encouragements. Donc voilà, cette émission est terminée. En tout cas, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Donc si vous n'allez pas vous coucher tout de suite, eh ben continuez à écouter RDP International puisqu'on va laisser l'antenne. Et on se quitte donc avec Metal Maniac, un morceau des Last Rider. Dedicated. Le vendredi, j'écoute Mavrika. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Entramos muito bem nos primeiros 20 minutos.